Eh ben voilà, il est 13h30 et on se retrouve pour la deuxième émission de Touche à tout. Donc bonjour chers auditeurs et auditrices. Donc c'est le slasher avec Scream à la technique et on va tout de suite commencer avec un titre, AA Take On Me. Voilà, c'était AA avec leur célèbre chanson Take On Me, qui a d'ailleurs fait un mème super connu sur les internets. Donc là, on va tout de suite rentrer dans le bain en vous présentant un objet qu'on a reçu de l'entreprise, le Mini Cube. Donc c'est quoi tout simplement? C'est un fidget cube, un objet anti-stress, comme notamment le On Spinner que je vous avais présenté dans la première émission. Donc, comment se compose cet objet? Déjà, on y retrouve une superbe boîte qui est assez grande, avec une belle écriture, etc. On a les indications de ce qu'il y a sur ce fameux cube. Après, on ouvre la boîte et on tombe sur le fameux cube qu'on attendait. Et donc, franchement, il est super beau. On a plusieurs faces, notamment une face de dés où on peut cliquer dessus avec des boutons qui ne font pas de bruit et qui font du bruit. On a une face spin avec une petite roulette qu'on peut tourner. On a un interrupteur. On a une surface douce. On a une bille qui reproduit notamment les clics de souris. Des petits engrenages. Et un joystick. Et franchement, encore merci à l'entreprise, vu qu'en fait, ils nous ont envoyé l'édition limitée de ce cube, qui est à 1000 exemplaires. C'est une édition avec une couleur militaire bleue, avec les toutes sortes de bleus, et notamment ce qu'il faut savoir pour l'histoire de ce produit. Ce produit avait commencé sur le site Kickstarter. Et Kickstarter, c'est quoi ? C'est un site, en fait, qui permet à des particuliers d'exposer leur création, enfin leur projet, et que des gens financent par des dons leur création, et ils ont récolté quand même plus de 6 millions d'euros. Le projet original pour le Fidget Cube, c'est quand même énorme. Et ben donc du coup, ben les gens qui voulaient ce Fidget Cube, ils l'ont eu, et c'est tout bonnement génial. Et notamment, ce qu'il faut le savoir, c'est que sur le site de l'entreprise qu'on a reçu le cube, ils font notamment des petites trousses pour ranger ce cube. Ils font aussi des petites protections pour le cube des coins. Et ils font aussi, ah ben là je crois qu'il y a des gens qui vont bien aimer, des On Spinner. Et vous pouvez bien sûr retrouver une vidéo où on parle simplement de ce produit. On fait un test en vidéo sur la page Facebook de Touche à Tout. Donc c'était le Fidget Cube. Donc maintenant, pourquoi pas, on va s'écouter un titre en hommage, hein, malheureusement, avec ce qui s'est passé à Manchester hier, malheureusement, un attentat. Donc on va s'écouter Ariana Grande avec le titre Break Me, et une pensée à toutes les victimes et à la famille des victimes. What you are about to witness is scientifically authentic. It is just one step ahead of present day reality and two steps ahead of present day sexiness. Prepare yourself to attempt to conceive an inconceivable outer space adventure. Brace yourself for something so fantastically fantastical, you'll soil yourself from intergalactic excitement. Get ready to... If you want it, take it. I should have said it before. Try to hide it, fake it. I can't pretend anymore. Heart. Donc voilà, c'était Ariana Grande avec le titre Break Free qui est en hommage à l'attentat de Manchester qui a eu lieu avant-hier. Une pensée à toutes les victimes, à toutes les familles des victimes pour ce terrible et malheureux événement. Donc maintenant, on va partir sur une chronique de film. Et pas des moindres, sur la chronique de Assassin's Creed, le nouveau film, tout simplement, de chez Ubisoft, qui est sorti en 2016. Donc, le synopsis tout simple. Grâce à une technologie révolutionnaire qui libère la mémoire génétique, Callum Lynch revit les aventures de son ancêtre Aguilar dans l'Espagne du 15e siècle. Alors que Callum découvre qu'il est issu d'une mystérieuse société secrète, les Assassins, il va assimiler les compétences dont il aura besoin pour affronter, dans le temps présent, une autre et redoutable organisation, l'Ordre des Templiers. Donc pour moi, ce film, je l'ai bien aimé, surtout que je joue beaucoup aux jeux vidéo Assassin's Creed, que je trouve super bien. Ce film, je l'ai bien aimé, mais on a quand même eu du mal à s'attacher au scénario, à bien comprendre le scénario. C'est parfois, on avait des moments un peu longs, des longs moments, notamment vu que le film dure 1h55, ils auraient pu quand même le raccourcir à 1h30, je trouve, selon moi. Ça dépend les goûts et les couleurs, cela ne se discute pas. Donc pour moi, ce film était bien, mais c'était pas vraiment mon meilleur film de l'année. Pour la note qu'on a donnée, Scream et moi, c'est un 7,5 sur 10. C'est pas le meilleur film de l'année, mais c'est quand même assez bien. Donc dans l'audio, on peut retrouver du italien DTS 5 points, de l'allemand DTS 5 points, de l'anglais DTS HD 7.1, en français du DTS 5.1, du thaï en double digital 5.1. Dans les sous-titres, on a du malais, de l'italien, du vietnamien, du français, de l'allemand, de l'anglais, du néerlandais, du thaï et de l'indonésien. Donc ce film est réalisé par Justin Kurzel avec Michael Fassbender quand même, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gelson et Charlotte Rumping et Michael Kamet Williams. Donc le scénario est de Michael Lessi, de Adam Cho Cooper et Bill College. Donc la sortie vidéo date du 26 avril 2017. Et c'était sorti en salle pour les fins d'année, donc pour le 21 décembre 2016. Donc dans le contenu, on a de l'Ultra HD Blu-ray 4K, donc du film en HDR, du Blu-ray, une copie digitale en format digital HD et une B-Box Motion Code. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la B-Box Motion Code ? C'est tout simplement une box qu'on met et qu'en fait son canapé bouge selon les mouvements du film. Pour moi, la B-Box, ça n'a pas l'air de trop m'intéresser. Maintenant, pour regarder un film, selon les gens, il faut avoir vraiment des sensations. Et que regarder un film tout simple, c'est quand même bon. Donc, dans les bonus vidéo, on a les coulisses du film. Ce que le film doit au jeu. Devenir un assassin. Comment on veut dire devenir un assassin ? Pourquoi pas ? Un design inspiré, le souci du réalisme, les mouvements rapides et manœuvres furtives. Entretien avec Justin Kurzel, qui est tout simplement le réalisateur du film. On a la bande originale, le montage, les effets spéciaux, vu qu'il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'effets spéciaux dans ce film, notamment comme dans les jeux Assassin's Creed, beaucoup de sauts périlleux, de gros sauts d'assassins. On a aussi le scénario, les scènes coupées, commentées par Justin Kurzel et Christophe Telfen, neuf scènes inédites et la fin alternative, les trois galeries photos et les deux bandes annonces cinéma. Donc voilà, c'était pour moi ma critique de Assassin's Creed qui est sorti en 2016, notamment le 26 avril 2016 et qui est sorti en salle le 21 décembre 2016. Donc là on va faire 2017. Oui. Donc là on va faire une petite pause musicale avec Daft Punk Rock and Roll. Voilà, c'était Daft Punk avec le titre Rock'n'Roll, un titre quand même qui bouge vraiment bien, un bon titre Rock'n'Roll. Donc là maintenant on va vous parler de Funko Pop Popito. Et donc c'est quoi? C'est le pop 134 du film Hellraiser 3 et vous avez sûrement deviné de quel personnage il s'agit. Donc c'est le personnage de Pinhead tout simplement, donc qui est vraiment magnifique. On peut voir sur cette figurine qu'il tient la fameuse boîte de Pandore, la boîte qui réveille tous les cauchemars, qui est une légende tout simplement. On a son fameux masque de clou très très emblématique du cinéma. On a sa belle veste avec des armes de torture, des couteaux, des pinces, etc. La boîte est vraiment super bien faite. Le personnage est vraiment reproduit. On le voit, c'est à deux gouttes d'eau. Quand on se dit, ah, ben voilà, c'est Pinhead. Donc sur la boîte, on tombe sur à gauche, sur le personnage en croquis, en dessin, au-dessus, le Hellraiser 3. C'est le numéro 134 des Pop Movies. Donc il est vraiment bien. Et franchement, moi, pourquoi pas, j'aimerais bien avoir le pop des autres créatures qu'il y a dans le film Hellraiser. Pourquoi pas, ça risque d'être vraiment génial. Donc merci à Funko Pop Popito pour ceci. Et donc maintenant, on va vous parler d'une autre chronique que je vous avais promis la dernière fois. C'est quoi ? C'est quoi ? Le film, oui. Oui, Hellraiser, le film. Hellraiser 3. Donc maintenant, chronique de film. Et c'est pour l'exploration urbaine. C'est quoi ? C'est une pratique pas illégale, mais déconseillée, en fait. C'est une pratique qui consiste à explorer des lieux abandonnés, construits par l'homme. Par l'homme, donc, du coup, lieu urbex, c'est l'exploration de lieux de zones urbaines abandonnées. Donc on peut vraiment explorer de tout, ça va de la maison abandonnée à l'entrepôt abandonné, même au bateau abandonné. Et il faut savoir que cette pratique est quand même assez connue, elle se pratique beaucoup dans le monde, donc notamment Touche à tout a su en faire. Notamment j'ai testé l'expérience d'un bunker abandonné. Et la première fois qu'on en fait, c'est une expérience assez bizarre. On a toujours une petite peur d'être seul dans un lieu abandonné, sombre. On a toujours cette peur quand on rentre dans ce lieu. C'est assez marrant. Et ben en fait, on se dit que ça va, y a rien du tout. Et c'est assez marrant de voir le lieu laissé à l'abandon, un lieu abandonné par l'homme laissé à l'abandon. Donc notamment que la nature a repris ses droits sur un lieu que l'homme avait pris ses droits, tout simplement. Et c'est ça qui est très très très marrant dans la pratique de l'urbex. Et notamment on peut y retrouver aussi des vidéos YouTube très très intéressantes et d'autres non, on peut vraiment y retrouver du fake à deux gouttes d'eau. Et notamment il y a beaucoup de gens, même moi je l'avoue, qui se disent avoir peur ou entendre des bruits etc. Pendant l'urbex, mais il faut savoir, là c'est un petit peu le côté scientifique de Touche à tout, que c'est l'effet nocebo. Donc c'est quoi l'effet nocebo ? C'est tout simplement le contraire de l'effet placebo. On croit être bien, mais sauf que là, vu qu'on est dans une situation bizarre, on croit être mal, qu'il va se passer quelque chose de très mal. Donc du coup, on va y croire vraiment, vraiment, dire oh, « t'as vu ce qui s'est passé, machin ?» Donc on éprouve une peur tout simplement en rentrant dans ce lieu, donc l'urbex. On va d'ailleurs peut-être, je ne dis rien, mais en faire normalement un en juillet, donc d'un parc d'attractions abandonné, c'est du gros, et surtout aussi d'un manoir abandonné. Et bien sûr, si vous voulez tenter de faire l'urbex, une règle d'or pour tous les urbexeurs et urbexeuses qui se respectent, il ne faut absolument pas dévoiler le lieu de l'urbex. Bon, simplement déjà par cause de respect pour le lieu, vu qu'il faut savoir, il y a toujours des imbéciles qui vont s'amuser à taguer ou à casser le lieu. Et nous, on aime bien tout simplement que le lieu soit préservé. Et aussi, justement, pour pas que les autres piquent leur spot d'urbex, pourquoi pas. On peut juste donner un indice, pas la ville, hein, vu que c'est trop, mais le pays. Notamment le parc d'attractions abandonné qu'on va peut-être faire. Il vient de Belgique, il est pas très loin dans la région de Moucron, mais on va pas vraiment vous dire où c'est. Et c'est tout simplement le deuxième parc le plus photogénique, le plus flippant au monde, abandonné, tout simplement. La fierté belge, hein, que vous dire les loulous. Donc il y a notamment eu des parents des mauvais moments dans l'urbex. Des gens qui ont découvert des squatteurs, ça faut toujours faire attention, bien entendre ce qu'il y a dans l'urbex. Par exemple, hier, avec Scream, on se baladait comme ça et on est tombé sur un gros entrepôt abandonné. On n'y est pas rentré, voilà. Mais on passait devant et on a dit, ah, tant l'oreille, il y a des gens qui font de l'urbex ou je ne sais quoi dans ce bâtiment. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à qui vient. Et faire attention comment les personnes sont, si elles ont des bonnes intentions ou des mauvaises intentions. Donc, comme je l'ai dit, là, je vais vous faire le décompte des pires moments qu'on a pu avoir en urbex. Pas nous, mais des gens qui ont recensé les pires moments qu'ils ont eu en urbex. Il y en a qui ont découvert des sachets avec contenant de la drogue dedans, où il y avait tout simplement des échanges de drogue. Et la personne avait dû se cloîtrer dans une armoire, dans le silence, dans le noir. Donc, ça doit être quand même une expérience très, très, très flippante. Notamment aussi des gens qui ont malheureusement découvert des gens qui avaient mis fin à leur vie dans ces lieux. Des rituels, des signes sataniques, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention, on met ses pieds là-bas. Par contre, parfois il y a aussi de très très très bonnes choses dans ces lieux. Notamment des gens qui découvrent des vieilles pièces abandonnées, genre des vieux journaux de la guerre 40-45, des tissus de la guerre 40-45, des balles et tout. C'est vraiment impressionnant de voir ça, et parfois il y en a qui le rapportent même à des musées pour pouvoir les exposer au musée de la ville. Donc franchement, pour avoir une bonne sensation, je vous le conseille, de l'urbex, mais il faut toujours quand même être accompagné, à savoir ce que l'on fait et pas faire l'imbécile là-bas, toujours être discret et bien avoir pris connaissance du lieu, tout simplement avant d'avoir fait l'urbex. Pourquoi ? Parce que le lieu peut être détruit, le lieu peut être, ah ça c'est le truc qui doit être le pire, être protégé, que c'est une résidence privée qui peut être protégée par des gardes. Et alors là, il y a déjà une personne qui s'est fait courser par le chien d'un garde. Et je crois que ça doit être quand même une sensation forte. Donc voilà, après vous avoir parlé d'urbex, on va se faire une petite pause musicale avec le groupe Gorillaz et le titre Stylo. On ne vous a pas tout dit. L'émission qui fait débat. Quand les acteurs locaux se mobilisent et prennent la parole sur notre présent, notre futur. On ne vous a pas tout dit. Les troisièmes mercredis du mois, en direct et en public, de janvier à mai. Le troisième mercredi du mois, de 20h30 à 22h30. On ne vous a pas tout dit. Proposé par la ville de Moucron, le Centre culturel moucronois, produit et réalisé par RQC. Donc voilà, c'était le titre Gorillaz avec le groupe Gorillaz avec le titre Stylo, suivi de l'annonce pour On ne vous a pas tout dit. Donc là, j'en suis encore avec l'Urbex pour vous dire le matériel qu'il faut au moins pour l'Urbex. Il faut fatalement, à mon avis, une très très bonne lampe, vu que vous pouvez explorer des lieux dans le noir, tout simplement. Un sac à dos pour stocker le matériel qu'il vous faut. De la nourriture si vous passez la journée là-bas. De l'eau, c'est sûr. Et peut-être un petit kit de secours si vous vous faites mal pendant ce lieu. Et si vous êtes amateur pour filmer, vous pouvez prendre votre caméra accompagnée d'un panneau LED pour vraiment avoir une bonne qualité. Et une Steadicam. Et palalalam, on en suit justement sur la chronique du Steadicam. Donc une Steadicam, c'est quoi ? C'est un système de stabilisateur de prise de vue portatif inventé par l'américain Garrett Brown. Utilisé en cinéma et en télévision, il permet la prise de vue en travelling fluide. Donc c'est quoi ? Je m'explique. Les travelling fluides, c'est un plan où on a un plan très très doux, très spatial sur l'objet qu'on veut, un plan qui fait le tour de l'objet, et je trouve ces plans vraiment magnifiques grâce à son système comportant un harnais, un bras articulé et une visée hors caméra. Donc nous avons reçu une Steadicam et franchement un petit modèle, pas le gros modèle, vu que je peux vous dire il y a des modèles normaux avec un prix banal entre 50 et 60 euros et les modèles pro qui se servent notamment dans les séries TV, excusez-moi, qui montent jusqu'à plus de 5000 euros, donc pour vous dire. Et je suis assez satisfait de cet objet qui vraiment annule tous les tremblements. Notamment dans les séries genre NCIS ou quoi, vous avez dû voir sûrement des plans de course-poursuite, et ben normalement, tout est filmé avec une Steadicam, donc ça empêche les tremblements avec une perche et les poids qui se trouvent en dessous. Et donc la caméra peut faire des tours incroyables, vous pouvez faire plein de trucs avec cette caméra, la retourner à l'envers, même faire des petits plans de bascule sans que cela ne tremble, enfin... Ça tremble un petit peu, mais d'infimes tremblements, pas vraiment des très très gros mouvements. Et donc c'est vraiment super bien fait. Mais par contre, le petit inconvénient, bah, c'est sûr, c'est que le poids est assez lourd. Mais là, dans 3 semaines, nous revenons sur un autre accessoire pour la Steadicam. Mais en fait, ce qu'il y a sur cet objet, c'est que... excusez-moi, pour vous aider, vous pouvez retirer des poids, mais par contre, pour ceux qui ont pour la première fois une Steadicam, je vous le dis, pour régler la Steadicam, vous passerez quand même à peu près plus de 30 minutes, le temps de bien calibrer pour qu'il y ait une bonne bascule, etc., vu qu'il faut régler la tête, le pas de vis, les poids qu'il y a en bas, et voilà, c'est vraiment très très compliqué au début, mais après on s'y habitue et c'est facile. Par contre, un petit truc que je dois vous dire, c'est qu'il faut faire attention avant de mettre sa Steadicam, oui, même un poids très très bas peut tout changer. Par exemple, si vous voulez mettre votre caméra, n'oubliez pas de mettre la carte SD, de retirer le cache et de bien mettre la sangle pour pas qu'il y ait une bascule de poids, sinon bah, votre Steadicam sera fichu. Donc je vous le conseille, cet objet, pourquoi pas, ça sert à faire des bons plans, des très très beaux plans. Donc je rappelle l'inventeur de cet objet, c'est Garrett Brown, et merci Garrett Brown, sans cela il n'y aura pas eu de super belle course-poursuite sans tremblement, c'est vraiment génial. Donc par exemple sur la photo que je vous mettrai de Garrett Brown avec sa Steadicam, on peut le voir qu'elle est quand même assez imposante. Tiens, en parlant du poids, une Steadicam peut quand même faire plus de 1 kg, ça dépend. En plus avec la caméra, il faut bien faire attention si vous achetez ce produit, de voir quel poids peut supporter la caméra. Et c'est quand même assez grand, ça va entre 30 et 60 cm et cela se déplie. Donc maintenant, nous allons faire une petite pause musicale avec LMNFO, Sexy and I Know It. Voilà, je vais vous parler une petite histoire sur cette chanson après. Voilà, c'est parti avec LMNFO, Sexy and I Know It. When I walk on by, girls be looking like Danny Fly. I pimp to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out of control. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, where I got the clout, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in the spot, yeah, this is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't buy them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. This is how I roll, come on ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in the spot, yeah, this is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. Aye. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah, yeah. Do the wiggle, man. I do the wiggle, man. Yeah. I'm sexy and I know it. Voilà, c'était LMNFO avec le titre I Sexy and I Know It. Donc, je vais vous raconter la petite histoire sur cette chanson. C'est une histoire personnelle, mais très marrante et très mignonne. Donc, je vous explique, cette chanson, à l'époque, était virale sur Internet. Tout le monde écoutait cette chanson, même d'ailleurs maintenant, elle est toujours virale. Hein. Et ma petite sœur, Julienne, coucou à Dudu. Bah, quand elle était petite, elle avait genre 2 ans et demi, 3 ans, on écoutait cette chanson et on dansait tout simplement avec mon beau-père et ma mère. Et elle s'est mise à grimper sur le canapé et avait commencé à reproduire les mouvements de la chanson, donc ça nous avait surpris. Et on était en train de rigoler, pas possible avec ce qu'elle a fait. On s'y attendait super pas et c'est super, on s'y attendait pas du tout et c'était super marrant. Donc voilà, c'était la petite histoire personnelle sur ce titre. Donc maintenant on va revenir sur une chronique de Funko Pop Popito. Et là on va voir le pop de tous ceux qui aiment bien les poupées, les clowns. C'est le pop Chucky, donc de Child's Play 2, donc de Chucky 2, jeu d'enfant 2. Donc le numéro 56 et il est vraiment super bien fait. On peut vraiment y retrouver le côté poupée dans les cheveux de Chucky, la texture des cheveux de Chucky. On a le fameux tablier Good Guys, qui est la fictive marque de jouets des poupées qui démoniaque, hein. Et on a notamment aussi sur les chaussettes un petit côté qui glisse. Donc sur les pop, je vous explique, on a toujours un petit côté spécial, un côté qui glisse, un côté hors du commun. Donc c'est le Pop Movies 56. Donc pourquoi pas, je vais vous raconter l'histoire un peu du film Cheese Play 2. Donc c'est tout simplement un tueur en série qui est en escapade, il s'échappe et il tombe dans un magasin et avant de mourir il vous fait un rituel sur une poupée, je me souviens plus de la phrase, ah ouba la vida, un truc comme ça, un petit rituel, et tout simplement cette poupée vient aux mains d'un enfant pour son cadeau d'anniversaire ou de Noël et il s'entend super bien avec cette poupée. Et notamment sa mère entend qu'il parle à la poupée et elle a peur et tiens, balala, transition, en revenant sur ça, en parlant de cette histoire que la mère entend qu'il parle à la poupée, ça c'est inspiré d'une histoire réelle ou quoi que on ne sait pas, c'est paranormal, de la poupée Robert, c'est tout simplement une poupée qui vient d'une famille très aisée de l'époque. Et tout simplement, leur ménagère avait été vaudou et ils avaient ensorcelé la poupée avant de partir. Ils l'avaient donnée à l'enfant. Et en fait, la mère de l'enfant constate que l'enfant s'était très très bien allié avec la poupée. Il parlait notamment quand sa mère était au sous-sol et que le fils était dans sa chambre au-dessus. Par exemple, on entendait « Cool Robert, ça va ?» On entendait des voix très très graves. Et donc du coup, la mère a cru que l'enfant imitait cette voix, mais non. C'était normalement, réellement, la poupée qui parlait de cela. Et juste avant que la famille se sépare de la poupée, en fait, un voisin avait vu un remue-ménage au-dessus à la fenêtre. Et c'était soi-disant la poupée qui avait foutu le bazar dans cette chambre. Et après la poupée avait été exposée et toujours exposée dans un musée aux États-Unis. Et en fait la légende raconte que cette poupée, si on doit lui demander d'abord derrière la vitrine, Robert, est-ce que je peux prendre une photo? Donc voilà, c'est assez marrant. Et en plus je crois que le patron aimait bien que je raconte des histoires paranormales. Donc voilà, t'as été servi Rico pour cette histoire paranormale. Donc c'était le Pop Kids Play 2, donc Chucky 2. Donc maintenant on va s'écouter une petite plage musicale avec un superbe rappeur, Ice-T It's On, qui notamment avec son groupe qui est venu au Hellfest. Et franchement c'était un super bon concert. Ice-T It's On. Dead. Yo, Ice. The organization say they can't stay in business with us any longer. What are you gonna do? We always knew we were going to come to this point sooner or later. We have absolutely no option but to move forward. We'll have to set up our own distribution, manufacturing, run a totally independent organization and operation. We still got our connections in Texas, Miami, New York, Chicago, Detroit, and soldiers on the streets willing to die. I can't put any cut on the product. I just can't live like that. But from now on, if any cops get in our way... Catch you in the streets and your ass will get tossed. Bang, bang, bang, cause it ain't no thing. and put in work and watch your head burst. A lot of fans ain't shit. Let me repeat, a lot of fans ain't shit. Quick to flip it for root, don't hit. That's not making nothing but a pop hole bitch. Shit, I don't need ya, I love to bleed ya. All I ever wanted was a real nigga's praise. But the sad motherfucking fact is there ain't that many real motherfuckers these days. Game knows game, and I know too many true players to name. And I can make it in the music or the street game. I still got hoes that'll work, still got crews that'll hit, still roll with an extra clip. Don't say they'll stop me, doubt it. Those motherfuckers better think about it. You best to let me rap. Ice back on the streets, you don't want that, cause I'll break ill. And you really have to body count the cops, I'll kill this song. It's on, motherfucker, and you can't turn this shit off. Catch you on the streets and your ass will get tossed. Bang, bang, bang, cause it ain't no thing to put in work and watch your body jerk. It's on. It's on, motherfucker, yeah, goddamn right. It's on, my royalty check, yeah, fool, I write my own. I own my own label, put my own shit out, so no one tells me what the fuck to talk about. And all the suckers that said I was through, you need to wake up to my view. I'm falling off, that's a joke. You motherfuckers are still unknown and broke, and I'm stankin' rich. My fucking maid lives better than you, bitch. So shut your trap. When it comes to this level of game, you don't know jack. CIA, FBI, IRS, try to let us out for sweat. But they'll never sweat you, son, cause you're broke and you're dumb and you're no threat to no one. Them fools don't play. I gotta deal with those motherfuckers every day. They love to get me behind bars. They hawk a nigga like I'm Carlos Escobar. But in a way I am. Been putting dope on the streets for years and don't give a damn. So I'm thinking about them friends. The real motherfucking gangsters wanna see me in. It's gonna end up in a bloodbath, no doubt. That's the only way I'm going out, it's on. Motherfucker, and you can't turn this shit off. Catch you on the streets and your ass will get tossed. Bang, bang, bang, cause it ain't no thing to put in work and watch your head burst. It's on. Donc voilà, c'était Ice-T avec le titre It's On, donc qu'on a eu l'occasion de le voir, mais sous sa formation de groupe Metal au Hellfest 2015. C'était un concert exceptionnel, vu qu'il n'avait pas fait de tournée depuis je ne sais pas combien d'années avec son groupe Body Count. Mais très aparté, il revient avec son groupe Body Count pour un nouvel album. Vous pouvez y retrouver plus sur l'émission Rive d'Enfer, d'ailleurs, tous les lundis avec moi, Scream et Sylval de 20h à 22h. Donc maintenant, on se retrouve pour la dernière chronique. Donc là, c'est la chronique du livre. Hein. Bah, vous êtes peut-être dit, c'est la seule qui manquait. Donc c'est sur, cette fois-ci, une BD, ce n'est pas un roman. C'est sur la BD Pirates des Caraïbes avec le volume 1, La Mission, donc qui est de chez les éditions Hachette. Donc, je vais vous lire le synopsis de ce livre. Le célèbre capitaine Jack Sparrow vient d'échapper à justesse à la potence grâce à l'intervention du jeune Will Turner qui est venu jouer les doubles fêtes dans la bataille qui opposait l'équipage du Black Pearl aux soldats de Port Royal. Tout pense que, suite à cette mésaventure, Jack a pris le large, mais c'est bien mal le connaître. Donc cette BD est très très très marrante, on y retrouve le côté excentrique de Jack Sparrow, le côté très très très marrant de Jack Sparrow avec son fameux, je crois que c'est Gibbs, son copain d'équipage qui notamment dans le film s'était roulé dans la boue avec les cochons, ça m'a vraiment fait rire. Et tiens, en parlant de film, transition, donc il est sorti le nouveau Pirate des Caraïbes, Capitaine Salazar. Je suis vraiment pressé de le voir avec Scream, normalement vendredi, donc on vous offrira peut-être une petite chronique dessus. Et encore une transition, ils vont faire aussi des pops donc sur le nouveau pirate des Caraïbes, capitaine Salazar. Et vous allez être servi, je vous garantis. Donc pour moi, ce livre, je l'ai trouvé très très très marrant, rempli d'humour, de côté sombre parfois, mais c'est vraiment super bien. Je conseille à tous les jeunes fans de Pirates des Caraïbes, pourquoi pas compléter votre collection de films par la collection de BD et de goodies notamment, vu que j'ai merci à maman pour ce cadeau que j'avais eu il y a très très longtemps, mais je l'ai encore, le fameux coffre tirelire avec le capitaine Poulpe, avec le cœur qui battait quand on insérait une pièce dedans. C'était très très très marrant. Et donc ce livre, il est vraiment génial. Par contre, ce qui m'avait tâté un petit peu, c'est que en prenant ce livre, nous avons vu sur la pochette, excusez-moi, les fameux les marins du premier pirate des Caraïbes. Donc on s'est dit, ah, ça va parler du premier pirate des Caraïbes, mais non, autrement. Donc c'est Pirates des Caraïbes avec le tome numéro 1, La Mission. Et donc là, on va terminer avec un titre qui va nous ravir tous, Robin Tink, Blue Red Lines. Donc on se retrouve pas la semaine prochaine ni la semaine d'après, vu que la semaine prochaine ce sera la frégade, et la semaine d'après je ne saurais pas être là malheureusement les loulous, pour les examens, que voulez-vous, c'est important d'étudier. Et tiens, pour tous les loulous qui nous écoutent, étudier c'est important pour votre avenir. Donc ciao, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission avec Robin Tick, Blue Red Lines. Everybody get up. Not many women can refute it, pimpin'. I'm a nice guy, but don't get confused.